que j'ai fait saigner ton cœur. J'ai commis l'irréparable et je le sais. Faut t'avouer, à moitié pardonné. Ne pars pas, ne me quitte pas mon bébé. J'ai besoin de toi, emmène-moi où tu veux. Moi je serai ton chevalier, ton cavalier au bal de fin d'année. Emmène-moi où tu veux. Moi je ferai de toi ma reine à l'heure où pillons le passé. Ah mon bébé, ah mon bébé. Eh, ah mon bébé, ah mon bébé. Eh, ah mon bébé, ah mon bébé. Eh, ah mon bébé, ah mon bébé. Bébé, bébé, ne me laisse pas comme ça. Je t'ai dit que je ne suis pas dans ça. Bébé, ne me laisse pas comme ça. Partager la même vision. Fidélité, se respecter et se donner du temps. Écoute-moi, fais preuve de compassion. Oh, oh. Eh, eh, eh. Emmène-moi où tu veux. Moi je serai ton chevalier, ton cavalier au bal de fin d'année. Emmène-moi où tu veux. Moi je ferai de toi ma reine, alors oublions le passé. Ah mon bébé, ah mon bébé.